Allez, pousse-moi un peu par là. Allez, pousse-moi dans tes bras. Allez, pousse-moi si tu oses. En dehors de chez toi, toi, toi, tu es tout pour moi. Toi, toi, tu es tout pour moi. Alors, pousse-moi encore une fois. Allez, pousse-moi dans tes bras. Allez, pousse-moi dans les roses du jardin. Mais chez toi, car toi, toi, tu es tout pour moi. Toi, toi, tu es tout pour moi. Toi, tu es mon soleil. Moi, je ne vois que toi. Toi, tu es mon soleil. Et moi, je ne vois que toi, toi, toi. Allez, pousse-moi un peu par là. Allez, pousse-moi dans tes bras. Allez, pousse-moi, j'en fiche. Mais je t'en prie, retiens-moi. Car toi, car toi, car toi, toi, tu es tout pour moi. Toi, toi, tu es tout pour moi. Toi, tu es mon soleil.